fais clic clic bang. Si t'en as marre de ce monde de dingue, sors ton flingue et fais clic clic bang. Bang, monde de dingue, bang bang, sors ton flingue. Bang bang, monde de dingue, bang bang, sors ton flingue. Si t'en as marre de policiers, si t'es français mais sans papier, si t'en as marre d'aller taffer si les Aztèques t'ont éjecté, si t'en as marre d'être désinstru si le rap français t'a trop déçu, si t'en as marre d'être pas connu si la radio t'a craché dessus, si on t'a mal rendu la monnaie, si on bouscule sur ton trajet, vas-y sors ton flingue et fais bang bang. Ici c'est Fixie GB, on revient avec du son lourd, écoute ça, 2010 papy. Si ça bouchonne sur le périph, si ton daron joue les shérifs, si ton patron t'a viré sans motif, si ton coiffeur t'a raté les diffs, si t'es perdu dans le désert, si on t'a privé de dessert, si t'es seul et en galère, vas-y lève ton verre. Si t'en as marre de ce monde de dingue, sors vite ton flingue et fais clic clic bang. Si t'en as marre de ce monde de dingue, sors vite ton flingue et fais clic clic bang. Bang, monde de dingue, bang bang, sors ton flingue. Bang bang, monde de dingue, bang bang, sors ton flingue. T'as l'argent mais pas le bonheur, t'as le goût mais pas l'odeur, t'as l'image sans la couleur, si à la messe tu fais le pointeur, si personne ne croit en toi, si t'es pas sur la bonne voie, si tu rêves que de convoi, eh mais où tu vas. Si tu croises l'heure dans le métro, si un gros pécho ton magot, si Sarko augmente tes impôts, si le Ben se déchaîne, si t'aimes pas cool chaîne, si tu veux pas briser les chaînes, si tu baisses les chines, obligé je t'enchaîne. Si t'en as marre de ce monde de dingue, sors vite ton flingue et fais clic clic bang. Si t'en as marre de ce monde de dingue, sors vite ton flingue et fais clic clic bang. Bang, monde de dingue, bang bang, sors ton flingue. Bang bang, monde de dingue, bang bang, sors ton flingue. Si t'en as marre de ce monde de dingue, sors vite ton flingue et fais clic clic bang. Si t'en as marre de ce monde de dingue, sors vite ton flingue et fais clic.